Le philosophe Taurus fut un des maîtres et amis de l'auteur de ces Nuits attiques, Origène. Quant à Démosthène, il est l'un des plus grands orateurs grecs. Il vécut au IVe siècle avant notre ère. Le philosophe Taurus adressait une sévère, énergique réprimande au sujet d'une action déshonnête et injuste à un jeune homme qui, au sortir des cours d'éloquence des rhéteurs, venait d'entrer dans son école de philosophie. Le jeune homme ne niait pas sa faute, mais il donnait pour excuse la coutume, croyant couvrir la honte de son action et trouver son pardon en alléguant la multiplicité des coupables. Mais Taurus, qu'une telle défense irritait encore davantage. « Insensé, dit-il, homme méprisable, si l'autorité des préceptes philosophiques ne peut te détourner des mauvais exemples, comment, du moins, une pensée de ton Démosthène ne s'est-elle pas offerte à ton esprit ?» Cette pensée, présentée sous une enveloppe pleine de grâce et de charme, aurait dû, comme un modèle d'éloquence, se graver facilement dans ta mémoire. Si je ne me trompe, si je n'ai pas oublié les études de ma première jeunesse, voici les paroles que Démosthène adressait à un homme qui prétendait, comme toi, trouver l'excuse et le pardon de sa faute dans les fautes d'autrui. Ne me dis pas que cela est souvent arrivé, mais qu'il est juste que cela soit ainsi, car que d'autres aient violé les lois, si tu as suivi leur exemple, ce n'est pas pour toi une excuse. Tu n'en es même que plus digne de punition, car si quelqu'un d'entre eux eût été puni, tu n'aurais pas fait rendre ce décret. De même, si tu es puni maintenant, un autre ne songera pas à un décret semblable. C'est ainsi que Taurus, par ses exhortations, par des leçons de tout genre, s'efforçait de former le caractère de ses disciples et de les porter à la vertu.